Le livre des snobs, William Thackeray, traduction Georges Giffray, 1867. Le livre des snobs. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un snob? Si vous voulez le savoir, ne cherchez point dans le dictionnaire, ce mot n'est pas encore muni de son passeport académique. Du reste, rien n'est plus commun que la chose. En dernière analyse, voici ce qui constitue le snob. On prend un peu de tous les ridicules de l'humaine nature, auxquels on mêle quelques grains de bêtise, beaucoup de fanfaronnade, une certaine dose de trivialité et de prétention, de l'épaisseur dans l'esprit, de la mesquinerie dans le goût, et, surtout, absence totale de ce qui est beau, noble et distingué. Ce mélange fait un snob parfait. C'est comme on le voit, le béotisme arrivait à sa dernière expression dans la tournure de l'esprit et du corps. Les snobs d'ailleurs n'ont point de sexe, ils sont de tous les genres, ils n'ont point de patrie, ils sont citoyens du monde. Ils circulent depuis longtemps à tous les degrés de l'échelle sociale. On les coudoie dans les rues, on les rencontre dans les salons. Si vous voulez faire connaissance avec un snob, regardez autour de vous. Prenez garde, cependant, que les yeux de votre voisin vous servant de miroir, comme dit Figaro, ne vous montrent un snob que vous n'êtes pas bien curieux de voir. Jusqu'ici, les snobs n'avaient pas reçu d'appellation propre, et cela ne nuisait pas beaucoup à leur nombre et à leur existence. La position considérable qu'ils occupent maintenant dans le monde fait un devoir d'apprendre à connaître leur caractère distinctif pour les saluer quand on les rencontre. Monsieur Thackeray, le spirituel romancier de la langue anglaise, s'est déjà chargé de tracer au vif leur portrait pour la Grande-Bretagne. Et comme les snobs sont à peu près les mêmes partout, sauf quelques différences dans la coupe des habits et la couleur des favoris, en attendant qu'un coloriste habile se décide à nous peindre les snobs français, les snobs anglais nous donneront toujours une idée générale de l'espèce. D'ailleurs, la modestie qui défend de parler de soi n'est-elle pas ici d'accord avec la politesse pour nous engager à céder la place au ridicule de nos voisins? Voici donc, avec l'exactitude photographique d'une traduction scrupuleuse, le portrait des snobs anglais. Georges Giffray. Livre des snobs. Entrée en matière. Nécessité d'un ouvrage sur les snobs tiré de l'histoire et prouvé par d'illustres exemples. Comme quoi mon étoile me prédestinait à écrire cet ouvrage. Je fais l'annonce de ma vocation à grand renfort d'éloquence. Je prouve que le monde s'est préparé graduellement pour l'œuvre et pour l'ouvrier. Les snobs méritent d'être étudiés comme tout autre sujet d'histoire naturelle. Ils ont leur part dans le beau, avec majuscule. Ils se sont infiltrés dans toutes les classes de la société. Exemple frappant du colonel Snobley. Nous avons rencontré quelque part cette proposition. Qu'on me permette toutefois de douter de la manière la plus complète de son exactitude. Sur quelle base, en effet, repose-t-elle? Nous avons tous, plus ou moins, je le répète, été à même de recueillir cette phrase qui court les livres. Que si par suite des événements et des nécessités sociales, le besoin d'un homme se fait sentir, on voit surgir cet homme à point nommé. Ainsi, à la Révolution française, que le lecteur sera sans doute charmé de voir figurer à la première page de ce livre, dès qu'il devint nécessaire d'administrer à la nation une médecine capable de faire revenir un mort, elle trouva Robespierre. Médecine, il est vrai, bien noire et bien rebutante, mais qui, avalée avec courage par la malade, opéra en définitive pour son plus grand bien. De même, lorsque le moment fut arrivé pour l'Amérique de détacher à John Bull le coup de pied qui l'en délogea, Washington se présenta et s'acquitta de cette besogne à ravir. Et encore, lorsque le comte d'Albereau fut atteint de la maladie que vous savez, le professeur Holloway se présenta avec ses pilules et il sauva les jours de sa seigneurie. Voyez les annonces. Ils sont à l'infini. Les exemples à l'aide desquels on prouverait qu'une nation ne ressent pas un important besoin, qu'elle ne trouve aussitôt sous sa main tout juste de quoi faire le nécessaire. C'est comme dans cette miniature de la vie humaine que l'on appelle comédie. L'acteur a-t-il besoin de quelque chose? Comme d'une bassinoire? D'un manche à balai? D'une noix de carton ou d'une écharpe? Aussitôt, un garçon de théâtre s'avance de la coulisse et d'un air majestueux lui apporte l'objet en question. Voyez encore tous ceux qui commencent n'importe quoi. Il ne leur en coûtera pas pour vous prouver que leur entreprise répond à d'impérieuses nécessités et que l'univers entier en appelle à grands cris l'exécution. S'il s'agit par exemple d'un chemin de fer, les directeurs vont vous démontrer tout d'abord, avec des arguments irrésistibles, que des communications plus étroites entre Battersea et Derinenbeg sont indispensables au bonheur de l'humanité et au progrès de la civilisation. C'est le vœu, disent-ils, de toutes les populations de l'Irlande. Ou bien encore, est-ce un journal qui se fonde? Le prospectus débute ainsi. À une époque où l'Église est entourée de dangers menacés au dehors par le fanatisme sauvage, d'une incrédulité sacrilège, minée au dedans par les sourdes menées du jésuitisme et les divisions intestines du schisme, un cri unanime s'est élevé, cri d'un peuple souffrant qui cherchait autour de lui un gardien et un défenseur pour les droits de l'Église outragée. En conséquence, une réunion de prélats et de laïcs a cru devoir s'organiser pour la résistance à l'heure suprême du danger, et elle a pris la résolution de publier le journal Le Bedeau. On s'abonne, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il n'en faut pas moins admettre, comme incontestable, l'une des deux propositions suivantes. Ou le besoin d'une chose se fait sentir pour le public, et aussitôt il la trouve, ou le public trouve cette chose par la raison qu'il en avait besoin. Il y a longtemps que je nourris, au fond de mon âme, la conviction que j'ai une œuvre à accomplir, une œuvre avec majuscule, s'il vous plaît, une mission à remplir, un gouffre où, nouveau cursus, je dois me précipiter et m'engloutir, homme et bête, une grande plaie sociale à mettre à nu et à panser. Cette préoccupation m'assiège depuis de longues années. Je l'entends qui s'acharne à mes trousses au milieu du tumulte des rues. Elle se dresse devant moi dans la solitude du cabinet. Elle m'arrêtait bien souvent le bras quand je soulevais la coupe du festin. Je l'ai sentie à mes côtés dans mes excursions vagabondes à Rotten Row. Elle m'a suivie jusqu'aux rives les plus lointaines, sur le galet de Brighton, comme sur le sable de Margate. Cette voix mystérieuse couvrait le mugissement des flots de son refrain monotone. Elle ne respecte pas même mon bonnet de nuit, et de là, en tapinois, murmure à mon oreille. Debout, dormeur, debout, car ton œuvre n'est pas accomplie. L'an passé, par un beau clair de lune, au milieu des ruines du Colisée, cette voix secrète et vigilante s'éleva jusqu'à moi et me dit. Smith ou Jones. L'auteur désirant garder l'anonymat, aucun des noms n'est le sien. Smith ou Jones, mon brave garçon, tout cela est bel et bien, mais vous devriez être à votre table, à écrire votre grand ouvrage des snobs. Quand un homme se sent ainsi appelé à une sorte de mission, c'est folie à lui de chercher à s'y soustraire. Il faut qu'il catéchise les peuples de la terre, qu'il se déboutonne, comme dirait notre ami James Crowe, ou qu'il étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive. Veuillez, je vous prie, considérer, me suis-je souvent écrié, mentalement, en m'adressant à votre humble serviteur, la route préparatoire que vous avez successivement parcourue et qui vous a conduit comme par une pente irrésistible à aborder ce grand travail. Au commencement, Dieu fit le monde, et avec lui les snobs. Ils sont de toute éternité, sans être plus connus que l'Amérique avant sa découverte. Aujourd'hui seulement, postquam ingens patuit tellus, la foule a fini par avoir un vague sentiment de l'existence de cette race. Mais il y a 25 ans à peine qu'un nom, monosyllabe bien expressif, fut mis en circulation pour la désigner. Ce nom parcourut ensuite l'Angleterre dans tous les sens, comme firent après les voies ferrées. Les snobs sont désormais connus et reconnus dans toutes les parties d'un empire où je me suis laissé dire que le soleil ne se couchait jamais. À l'heure marquée, Le punch apparut pour enregistrer leur histoire, et voici l'homme prédestiné à écrire cette histoire dans le punch. J'ai du coup d'œil en fait de snob, et c'est là une qualité dont je me félicite et dont je me sais le gré le plus profond et le plus sincère. Si le vrai est beau, il est donc beau d'étudier le snobisme comme le reste, de deviner le snob jusque sous le manteau dont l'abrite l'histoire, à l'instar de ces petits chiens du Hampshire, dressés à éventer les truffes, de jeter la sonde dans la société et de découvrir les riches filons de la mine snobienne. Le snobisme, comme la mort, dont parle Horace, et j'aime à croire que cette citation frappe votre oreille pour la première fois, heurte d'un pied égal et la chaumière du pauvre et le palais des grands. Il s'exposerait à de singulières méprises celui qui irait jusqu'à juger les snobs à la légère et penserait qu'ils n'existent que dans les couches inférieures de la société. On serait effrayé de ce qui se rencontre de snobs sur 100 individus pris au hasard dans toutes les conditions de l'humaine nature. N'allez point vous faire sur les snobs une opinion hâtive, ainsi que le premier venu. Agir ainsi serait vous exposer vous-même à passer pour un snob. Moi qui vous parle, on m'a bien pris pour un des leurs. C'était aux eaux de Bagnigwells. À l'hôtel impérial, je me trouvais à voir pour vis-à-vis, à déjeuner, un snob d'une espèce si insupportable que je sentis tout de suite que je n'aurais aucun bon effet à attendre des eaux aussi longtemps qu'il prolongerait son séjour dans cet endroit. Il s'appelait Snobley, lieutenant-colonel de je ne sais quel régiment de dragons. Il portait des bottes et des moustaches où l'on aurait pu se mirer, manger ses mots, traîner ses phrases et laisser au commun des martyrs le soin de prononcer les R. Il ne se lassait point de faire la roue, illustrant ses moustaches au moyen d'un énorme bâton de cosmétique. Il répandait dans la chambre une odeur de musc tellement suffocante que je pris la résolution d'en venir aux dernières extrémités avec ce snob afin que l'un de nous deux fût forcé de quitter l'hôtel. Je débutai d'abord par des sujets insignifiants, ce qui le dérouta complètement, ne sachant s'il devait rire ou se fâcher de cette attaque imprévue. En effet, il ne lui était pas venu à l'esprit qu'un simple mortel pût se mettre à son aise avec lui au point d'oser lui adresser le premier la parole. Ensuite, je lui passai familièrement le journal, puis comme il persistait à ne tenir aucun compte de mes avances, je me pris à le regarder en face, tout en faisant usage de ma fourchette, savez-vous comment? En guise de cure-dent. Je répétai ce manège 2 jours de suite. Le colonel ne put y tenir plus longtemps. Le troisième jour, il était parti avec armes et bagages. Si ces lignes viennent à tomber sous les yeux du colonel, daignera-t-il se rappeler le gentleman qui se permettait de le questionner sur ses opinions littéraires et qui le força de battre en retraite devant une fourchette à 4 dents? Chapitre premier où l'on s'amuse et rit à l'endroit des snobs. On peut être snob ou relativement ou positivement. Par snob positif, j'entends ce qui reste snob n'importe où il se trouve, qui ne cesse jamais de l'être du matin au soir, du berceau à la tombe, que la nature a fait snob par essence, tandis que d'autres ne font preuve de snobisme que dans des cas particuliers ou dans certaines occurrences. Comme exemple, je citerai un homme qui jadis commis devant moi une action aussi abominable que celle dont je viens de faire mon mea culpa au précédent chapitre, et par laquelle je me proposais de dégoûter de ma société le colonel Snobley. Je veux parler de l'usage que je fis de ma fourchette en guise de cure-dent. Cet homme donc étant à table avec moi au Café de l'Europe, restaurant situé, comme chacun sait, en face du Grand Opéra, est le seul où un gentleman qui se respecte puisse dîner à Naples. Cet homme, dis-je, mangeait des pois avec son couteau. Je m'étais tout d'abord épris de lui après une rencontre dans le cratère du Mont Vésuve. Nous avions été dévalisés de compagnie et mis à rançon par des brigands de la Calabre, ce qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le fait en question. J'avais pu, en ces circonstances, apprécier sa vive intelligence, la bonté de son cœur et la variété de ses connaissances, mais je ne l'avais point encore vu avec une assiette de pois devant lui. Et la manière dont il se comporta en leur présence me causa le plus violent chagrin. Après un pareil acte de sa part, et cela dans un lieu public, il ne me restait qu'un parti à prendre, c'était de rompre nos rapports. Je chargeai un ami commun, l'honorable Poliatus, d'avertir ce gentleman, avec tous les ménagements possibles, que tout était fini entre nous et que des faits regrettables, mais qui ne portaient en aucune manière atteinte à l'honneur de M. Marrowfat et à la considération que j'avais pour lui, m'obligeait à renoncer à l'intimité qui s'était établie entre nous. En conséquence, nous étant rencontrés ce soir-là même au bal de la duchesse de Montefiasco, nous prîmes mutuellement congé l'un de l'autre. Il ne fut bruit à Naples que de cette séparation de Damon et de Pythias. Marrowfat m'avait plus d'une fois sauvé la vie, mais en bonne conscience, qu'eût fait à ma place tout gentleman anglais. Cet excellent ami, en cette circonstance, avait agi en snob relatif. Les personnes du plus haut rang, chez tous les autres peuples, pourront se servir de leur couteau de la façon dont je viens de parler, sans pour cela encourir le reproche de snobisme. Montefiasco ne manquait jamais de gratter son assiette avec son couteau, et tous les autres princes de la même société d'en faire autant. J'ai vu à la table hospitalière de son Altesse la grande duchesse Stéphanie de Bade, qui est priée, si jamais ses humbles lignes viennent à frapper sa rétine impériale, de conserver un gracieux souvenir au plus dévoué de ses serviteurs. J'ai vu, dis-je, la princesse héréditaire de Potztausend d'honneur Werther, cette femme d'une beauté si pure, se servir de son couteau en guise de fourchette et de cuillère. Je l'ai vue prête à l'avaler, j'en atteste Jupin, ni plus ni moins que ce jongleur indien qui dévore les sabres. M'a-t-on vu sourciller? Ma considération pour la princesse en a-t-elle été diminuée? Non, aimable Amalia. Jamais passion n'a été plus respectueuse et plus sincère que celle que cette dame a jetée dans mon cœur. Qu'elle était belle! Puisse longtemps, bien longtemps encore, son couteau portait sa nourriture à ses lèvres les plus roses et les plus souriantes que j'ai vues sur terre. La cause de ma querelle avec Marrowfat resta ensevelie au fond de mon âme pendant 4 années entières. Nous nous rencontrions dans les palais aristocratiques de nos amis et de nos parents. Nous étions côte à côte dans les joies de la danse et du festin, mais toujours étrangers l'un à l'autre. Il semblait que tout fût fini entre nous. Enfin, arriva le 4 juin de l'an dernier. C'était chez Sir George Galloper. Il était placé à la droite, votre humble serviteur à la gauche de la ravissante Lady Galloper. Des pois figuraient sur la table. C'était, je m'en souviens, autour de jeunes canetons. Un frisson parcourut tous mes membres quand je vis servir Marrowfat. Je détournai la tête, le cœur tout malade, craignant de voir le terrible couteau disparaître sous ses affreuses maxillaires. Ô surprise, ô bonheur! Mon bonhomme se servit de sa fourchette de la façon la plus catholique. Il laissa reposer sur la nappe l'acier tranchant qui nous avait jadis brouillés. Les vieux souvenirs se pressèrent alors en foule dans mon esprit. Je me rappelai ses anciens services, notre aventure avec les brigands, sa conduite de galant homme dans l'affaire de la comtesse d'Espinacci, le prêt qu'il m'avait fait de 1 700 livres. Je fus sur le point d'éclater en larmes de joie et d'une voix tremblante d'émotion. « Georges, mon garçon » m'écriai-je. « Georges Marrowfat, mon cher ami, un verre de vin. » La rougeur le gagna, et remué jusqu'au fond des entrailles, Georges me répondit d'une voix presque aussi tremblante que la mienne. « Eh bien, Franck, que voulez-vous? Du Johannisberg ou du Madère ?» Je l'eusse pressé sur mon cœur si nous n'avions été en si nombreuse compagnie. Lady Galloper ne se doutait guère du motif de l'émotion qui envoya le canard que j'étais en train de découper se promener sur sa robe de satin rose. Cette excellente femme me pardonna ma maladresse et le maître d'hôtel emporta l'oiseau. Depuis lors, nous fûmes avec Georges les meilleurs amis du monde. Il s'était à jamais corrigé de cette détestable habitude qu'il avait contractée dans une pension de campagne où l'on cultivait les pois et où l'on ne mangeait qu'avec des fourchettes à deux pointes. Un long séjour sur le continent, où l'usage des fourchettes à quatre dents est beaucoup plus répandu, avait pu seul le corriger de cette affreuse manie. À ce point de vue, mais à ce point de vue seulement, je me déclare bien haut le sectateur de la fourchette d'argent, et si ce récit est capable d'arrêter quelqu'un de mes lecteurs, de l'engager à descendre en lui-même, à se poser cette question dans le calme de la méditation, ai-je ou non l'habitude de manger mes pois à la pointe de mon couteau? S'il envisage les catastrophes auxquelles l'exposerait lui et sa famille, une obstination coupable dans cet abus, ces lignes n'auront point été écrites en vain, et maintenant, sans me porter le moins du monde garant de la manière d'agir de mes confrères du punch, j'ose me flatter que pour ma part, on me tiendra pour incapable de rien faire en opposition avec les traditions reçues. À ce propos, comme il est certain lecteur dont les facultés compréhensives sont peut-être un peu dures, je ferai aussi bien de dire tout de suite la morale de ce que je viens de raconter. En deux mots, la voici. La société ayant prescrit certains usages, les membres qui la composent sont tenus d'obéir à ses lois et à se conformer à ses préceptes, du reste fort inoffensifs. Si j'allais me présenter à l'Institut britannique et étranger, et le ciel me préserve d'en chercher le prétexte et d'en porter la livrée, si j'allais à une de ces soirées en robe de chambre et en pantoufles au lieu du costume obligé de tout honnête gentleman, à savoir les escarpins, le gilet brodé, le chapeau à claques, un jabot rapporté et une cravate qui vous étrangle, je ferais là une insulte à la société tout entière. Ce serait manger mes pois avec mon couteau. Les portiers de l'Institut auraient donc raison de mettre à la porte quiconque se rendrait coupable d'un pareil outrage. Pousser à ce point le mépris de la société, c'est être snob jusqu'à l'impénitence finale. La société a ses lois et son code à elle, ni plus ni moins que les gouvernements, et l'on doit s'y conformer, quand d'autre part, on prétend faire son profit des règles établies par le bien-être général. Je ne puis souffrir la préoccupation d'eux-mêmes qu'ont certaines gens, et j'ai une aversion profonde pour les éloges qu'on décerne à sa petite personne, et cependant je ne puis me dispenser d'en rapporter ici une circonstance qui jettera un jour heureux sur le point que nous traitons, et où je crois avoir fait preuve d'une prudence consommée. Il y a quelques années de cela, j'étais à Constantinople, chargé d'une mission délicate. Entre nous, les Russes ne jouaient pas franc jeu, et notre gouvernement avait senti la nécessité d'un envoyé extraordinaire. Lekerbis, pacha de Roumélie, alors ministre des Affaires étrangères, donna un dîner diplomatique à son palais d'été de Bouyouk Déré. J'étais à la gauche du ministre, et l'agent russe, le comte Didloff, à la droite. Didloff était un petit maître que l'odeur de rose faisait tomber en pâmoison. Par trois fois, il avait tenté de me faire assassiner dans le cours des négociations, mais comme cela devait être, nous étions en public, les meilleurs amis du monde, et nous échangeions les saluts les plus tendres et les plus gracieux. Le ministre est, ou plutôt était, car le cordon de soie a eu raison de lui, l'un des soutiens du vieux parti turc. Nous mangions avec nos doigts, et nous nous servions de tartines de pain en guise d'assiette. La seule dérogation qu'il se permit à ses principes était en faveur de nos vins d'Europe, auxquels il s'adonnait avec une prédilection bien marquée. À table, il tenait de l'ogre. Parmi les plats, on en distinguait un de très grande dimension, qui, placé devant lui, contenait un agneau sans sa laine, farci de pruneaux, d'ail, d'assafoetida, de poivre long et d'autres condiments de même genre, ce qui formait le plus horrible mélange que l'on put imaginer pour l'odorat et le goût. Le ministre mangea avec férocité, et d'après le mode oriental. insista pour servir lui-même ses amis de droite et de gauche. Ayant donc choisi un morceau particulièrement épicé, il voulut le porter de sa propre main à la bouche de ses convives. Je n'oublierai jamais la mine que fit le pauvre Didloff lorsque son excellence, après avoir pétri en boulette une portion fort respectable du susdit ragoût et laissant échapper des exclamations « Buck, Buck », ce qui veut dire en turc « bon, très bon », finit par lui administrer cette affreuse pilule. Quand il la sentit à ses lèvres, les yeux du russe sortaient de leur orbite. Il avala avec des contorsions de possédé et saisissant au hasard une bouteille qu'il prit pour du sauterne, qui était de l'eau-de-vie de cognac, il a bu presque tout d'un trait avant de s'apercevoir de son erreur. C'est ce qu'il acheva. On l'enleva presque mort de la salle du festin et on alla le mettre au frais sur une terrasse du Bosphore. Lorsque ce fut mon tour, j'avalai la boulette avec un sourire sur la figure, tout en donnant au diable, mais en arabe, l'excellence qui me l'offrait. Puis je passai ma langue sur mes lèvres avec l'épanouissement de la satisfaction. Et lorsqu'on servit le plat suivant, j'exécutai moi-même une boulette avec une telle dextérité et je la plongeai avec tant de grâce dans la bouche du vieux ministre que dès ce moment, son cœur me fut gagné. La Russie tomba en disgrâce et l'on signa le traité de Kabobanople. Quant à Didoff, ce fut pour lui l'arrêt suprême. On le rappela à Saint-Pétersbourg et Sir Roderick Murchison l'a vu travaillant aux mines de l'Oural sous le numéro 3967. Ai-je besoin de vous dire la morale de cette histoire? C'est que dans la société, il y a une foule de choses désagréables qu'il nous faut avaler le sourire aux lèvres.